Voici un commentaire de l'Agence télégraphique centrale de Corée, paroxysme de la double norme. Ces jours-ci, certains pays livrent à qui mieux les lancements expérimentaux de fusées de toutes sortes, notamment les fusées balistiques intercontinentales. La communauté internationale prête l'attention au silence des États-Unis et du Conseil de sécurité de l'ONU qui avaient adopté les résolutions de sanctions banditistes contre tous les exercices de lancement de fusées réguliers de notre armée et même contre l'exercice du droit de lancement satellitaire au but pacifique légitime sur le plan du droit international en les taxant de provocations et menaces. À présent, suivant les intérêts et la double norme arbitraire des États-Unis, l'exercice légal de la souveraineté et des mesures autodéfensives d'un État souverain sont considérés comme illégaux et provocations, alors que cela est passé sans accroc pour certains pays. Voilà la réalité de l'ONU. C'est le paroxysme de l'iniquité et de la double norme, et aussi la partialité vilaine. En fait, le devoir des pays et nations à signer devant la communauté internationale et leurs droits à exercer dans les rapports internationaux sont identiques, voire les mesures de renforcement du potentiel autodéfensif d'un État souverain pour défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale ne peuvent pas être l'objet des critiques et ingérences de l'institution internationale. C'est inévitable et tout à fait juste que notre pays, qui court en permanence les menaces nucléaires directes des Américains, détient et renforce la dissuasion nucléaire autodéfensive. Tant que les démarches des impérialistes et dominationnistes continuent pour étouffer notre régime socialiste, la République populaire démocratique de Corée renforcera à l'avenir aussi les affaires militaires, défendra la paix et la sécurité de l'État elle-même et poursuivra inflexiblement la ligne déjà définie.